Chapitre deuxième. Les chauds rayons d'un soleil de juillet pénètrent, adoucis, à travers les feuilles d'une verte jalousie. Sur le montant de la fenêtre ouverte, une caisse de fleurs s'épanouit. Un lit, une chambre dont elle n'avait nulle idée. D'un côté de ce lit, se dressant comme une tour, et lui rappelant vaguement Mrs. O'Leag, une femme géante sur le point de frapper des mains. Une autre femme, celle-ci tout à fait inconnue, arrêtant les mains en question avant qu'elles eussent pu faire aucun bruit. Une voix douce et suppliante, encore un indécis ressouvenir de Mrs. O'Leag, articulant ses paroles. « Elle me reconnaît, madame, elle me reconnaît. Si je ne puis me réjouir à mon aise, j'en mourrai bien certainement. » Tel fut le premier aspect, tels furent les premiers bruits qui tout à coup et par une étrange métamorphose, après 6 semaines d'anéantissement, éveillèrent chez Magdalene des perceptions à peu près nettes. Au bout de quelques instants, ces images redevinrent indistinctes, ces bruits se perdirent dans le silence. Le sommeil, clémente bénédiction, enveloppa de nouveau Magdalene, éteignit autour d'elle toute espèce de lumière et de bruit, et lui rendit le repos dont sa faiblesse avait un impérieux besoin. Un jour s'écoula. Les mêmes tableaux reparurent plus distincts, les mêmes sons furent perçus d'une manière moins vague. Encore un jour, et Magdalene entendit une voix d'homme qui, à travers la porte, s'informait de la malade. Cette voix lui était inconnue, et jamais ne s'élevait au-dessus du même diapason, modérée avec d'extrêmes précautions. Cette voix s'informait d'elle dans la matinée, aussitôt après son réveil. À midi, quand elle prenait son léger repas, le soir encore avant que ses yeux fussent fermés par le sommeil. Qui donc s'inquiète ainsi de moi? Telle fut la première pensée que son esprit eut la force de concevoir. Qui donc s'inquiète ainsi de moi? D'autres jours passèrent encore. Elle pouvait parler à la garde malade veillant auprès de son chevet. Elle pouvait répondre aux questions d'un homme âgé, mieux au courant qu'elle-même de tout ce qui la concernait, et qui lui disait être Mr. Merrick, un médecin chargé de la soigner. Elle pouvait, assise sur son lit, étayée de coussins, se demander compte de ce qui lui était advenu et de l'endroit où elle se trouvait. Alors elle sentit s'accroître en elle la curiosité que lui faisait éprouver cette voix calme et contenue qui, de l'autre côté de la porte, le matin, à midi, le soir, venait régulièrement s'enquérir d'elle. Encore un jour, et Mr. Merrick lui demanda s'il se sentait assez forte pour revoir une ancienne amie. Derrière lui, une voix très douce et partie du Très-Haut ajouta ces paroles « Ce n'est que moi ». Paroles que suivit la merveilleuse apparition de Mrs. O'Leag, en chair et en os, son bonnet tout de travers et un de ses souliers restés dans la chambre voisine. « Oh, voyez-la, voyez-la » s'écria la géante, qui dans son extase se laissa tomber à genoux près du lit de Magdalene, avec un choc à ébranler la maison. Bénédiction sur elle, la voilà déjà rétablie, puisqu'elle peut me sourire. Viva, mes enfants, viva! 1000 excuses, docteur. Ma conduite, je le sais, n'est point celle d'une femme comme il faut. C'est la faute de ma tête, monsieur, ce n'est pas la mienne. Il faut ouvrir une soupape quelconque, ou ma tête éclaterait. Ce matin-là, aucune question ne put arracher à Mrs. O'Leag, en guise de réponse, une seule phrase qui eut le sens commun. Son incohérence verbale n'avait jamais atteint pareille hauteur, et sa visite s'acheva sous le lit, où elle cherchait à l'aveuglette un soulier perdu. Le lendemain, Mr. Merrick promit à Magdalene qu'il lui laisserait voir le jour suivant un autre ami de vieille date. Le soir, lorsque la voix accoutumée s'informa d'elle, et au moment où la porte s'entr'ouvrait de quelques pouces afin de laisser passer la réponse, Magdalene, de sa voix encore bien faible, voulut la donner en personne. « Je vais mieux, je vous remercie. » Il y eut un instant de silence, et ensuite, au moment où la porte se refermait, elle entendit la voix, plus basse et plus contenue que jamais, murmurer avec ferveur « Dieu soit loué !» Qui était cet homme? Elle l'avait demandé à tous et personne ne voulait répondre. Qui était-il donc? Le jour suivant arriva. Magdalene entendit s'ouvrir doucement la porte de sa chambre. Un pas alerte sur le parquet, une petite taille bien prise, apparaissant au chevet du lit. Était-ce encore un rêve? Non, il était bien là, dans toute la réalité de sa verte vieillesse, ses lèvres distillant toujours un langage copieux et fleuri, et ses yeux mi-partis conservant la flamme narquoise, l'étincelle ironique de son originale gaieté. Il était là, plus audacieux, plus persuasif, plus respectable que jamais, vêtu d'un beau drap noir bien lustré, arborant une cravate blanche irréprochable et un jabot folâtre, le Reig que nous connaissons, le Reig au front d'airain, l'invincible et l'immuable Reig. Pas un mot, ma chère enfant, dit le capitaine, s'installant au pied du lit, dans la position la plus commode, avec cette aisance qui ne l'abandonnait jamais. C'est moi qui garderai la parole, et vous conviendrez, je pense, qu'on ne saurait trouver, pour une mission pareille, un homme plus compétent. Je suis réellement heureux, heureux en toute sincérité, si tant est que je puisse employer un mot dont, au premier coup d'œil, la propriété semblerait contestable. D'abord, de vous revoir, puis de vous retrouver en bon état. J'ai bien souvent pensé à vous, je vous ai souvent regretté, je me suis dit souvent, mais laissons cela. Quittons la scène et laissons retomber la toile sur le passé. Dum vivimus, vivamus. Excusez, ma chère, la pédanterie d'une citation latine, et dites-moi quelle mine vous me trouvez. Ai-je ou n'ai-je pas allé dehors d'un homme qui est réussi? Magdalène voulut lui répondre. À l'instant même, le capitaine lui coupa la parole par une nouvelle averse de son éloquence diluvienne. Ne vous fatiguez pas. Je poserai pour vous toutes les questions. Ce que je suis devenu. Pourquoi ma mine est si prospère? Et par quel merveilleux procédé je suis parvenu à vous suivre jusqu'en ce logis? Depuis notre dernière entrevue, ma chère enfant, je me suis occupé à modifier légèrement mes anciennes habitudes professionnelles. De l'agriculture morale, je suis passé à l'agriculture médicinale. Je m'adressais jadis à la sympathie publique. C'est à l'estomac du public que je m'adresse maintenant. Estomac ou sympathie, si vous les examinez de près, au lendemain de la cinquantaine, vous tomberez d'accord avec moi que l'un et l'autre se ressemblent fort. Quoi qu'il en soit, me voici, tellement incroyable que cela puisse paraître, pourvu, à la fin, d'un revenu fixe. Les fondateurs de ma fortune sont au nombre de trois. Ils s'appellent Aloès, Scamoné et Gomgut. Parlons plus net. Je vis maintenant d'une pilule. Peut-être vous rappellerez-vous que nos bonnes relations m'avaient rapporté quelque argent. J'en eus un peu davantage, grâce à l'heureux décès, requiescat in pace, de cette parente dont Mrs. Reig devait hériter, ainsi que je vous l'avais fait pressentir. À merveille. Mais que pensez-vous que je fis? J'employai tout mon capital, d'une seule bouchée à lancer des annonces. Et j'achetais à crédit tant mes drogues que mes boîtes à pilules. Les résultats de ce coup de tête, vous les voyez devant vous. Me voici à l'état de grande réalité financière. Me voici avec une toilette sur laquelle mon tailleur n'a plus aucun droit. Un compte créditeur chez mon banquier, un domestique en livrée, un cabriolet à la porte, solvable, florissant, populaire, et le tout en vertu d'une pilule. Magdalène sourit. Le visage du capitaine prit une expression de fausse gravité. Il semblait envisager la question sous son point de vue sérieux et vouloir la développer en ce sens. « Pour le public, ma chère, il n'y a pas là de quoi rire, » disait-il. « Nul moyen pour lui de se débarrasser de moi et de ma pilule. De gré ou de force, il faut qu'il nous avale. Il n'est pas, dans toute la série des annonces humaines, une seule sorte d'appel que je ne fasse pleuvoir en ce moment sur le malheureux public. Louez le dernier roman nouveau. Je suis là, caché au revers de la couverture. Envoyez chercher la romance nouvelle. Au moment où vous écartez les feuillets, je glisse et tombe à vos pieds. Prenez un cab. Je saute par la portière, habillé de rouge. Demandez au pharmacien une boîte de poudre dentifrice. Je l'enveloppe pour vous, habillé de bleu. Montrez-vous au spectacle. Je voltige au-dessus de votre tête, habillé de jaune. Le simple intitulé de mes annonces est tout à fait irrésistible. Laissez-moi vous citer quelques-unes de celles que j'ai mises en circulation la semaine dernière. Formule proverbiale. Une pilule à temps, neuf d'économiser. Formule familière. Pardon, comment va votre estomac? Formule patriotique. À quel triple signe se reconnaît l'anglais de bonne race? À son foyer? À son chez-lui? À sa pilule? Formule enfantine, dialogue de nurserie. Maman, je ne suis pas très bien. Qu'est-il donc mon bijou? J'aurai besoin d'une petite pilule. Formule anecdotique et historique. Découverte nouvelle dans la mine des annales d'Angleterre. Lorsque les enfants d'Édouard furent étouffés dans la tour, un fidèle serviteur rassembla tous les menus objets qu'ils laissaient derrière eux. Parmi les touchantes bagatelles que ces pauvres enfants affectionnaient le plus, il trouva une petite boîte. Et cette boîte renfermait la pilule de l'époque. Est-il nécessaire de dire combien cette pilule était inférieure à celle qui lui succède maintenant? Pilule que le prince et le paysan peuvent se procurer au même titre, etc., etc. L'endroit même où se fabrique ma pilule constitue une véritable annonce. J'ai loué un des plus grands magasins de Londres. Derrière un comptoir, visible au public à travers une glace transparente, sont rangés 24 jeunes gens, en blanc tablier, fabriquant la pilule. Derrière un autre comptoir sont rangés 24 jeunes gens en cravate blanche, fabriquant les boîtes. Au fond du magasin se tiennent trois comptables d'un âge mûr qui consignent dans trois énormes registres les vastes transactions financières auxquelles la pilule donne lieu. Sur la porte, mon nom, mon portrait, un autographe de moi, le tout dans de colossales proportions, et par manière d'ondulante exergue la devise de l'établissement « Abat les médecins ». Mrs. Reig elle-même apporte son contingent à cette prodigieuse entreprise. Elle y joue le rôle de la femme illustre que j'ai pu soustraire aux supplices dont l'affligeaient l'une après l'autre toutes les maladies connues ici-bas. Son portrait gravé sur toutes les enveloppes, et au-dessous se lit l'inscription suivante. Avant qu'elle usât de la pilule, vous auriez renversé d'un souffle cette malade, et maintenant, regardez-la. Enfin, ma chère fille, et je ne compte pas ceci pour le moindre de mes services, c'est la pilule qui m'a frayé un chemin jusqu'à vous. Ma mission spéciale, dans la prodigieuse entreprise que j'ai montée, consiste à parcourir en cabriolet le Royaume-Uni, constituant partout des agences. Pendant que je m'occupais de l'une d'elles, j'entendis parler d'un de mes amis récemment débarqué en Angleterre après un long voyage sur mer. Je me procurai son adresse à Londres. Il logeait dans cette maison. Je vins le voir immédiatement, et la nouvelle de votre maladie m'arriva comme une tuile sur la tête. Telle est, en abrégé, l'histoire de mes rapports avec la médecine anglaise. Et de là vient que vous me voyez présentement assis dans ce fauteuil, et à vous, comme toujours, avec un inaltérable dévouement, Horatio Reig. Ce fut en ces termes que le capitaine acheva son compte-rendu personnel. Plus il approchait de la conclusion, plus attentivement il regardait Magdalène. Attachait-il quelque secrète importance aux dernières paroles qu'il avait prononcées, bien que ces paroles, au premier abord, ne parussent en avoir aucune? Il en était effectivement ainsi. Sa visite à la malade avait un objet sérieux, et de cet objet, il s'était rapproché peu à peu par des transitions savamment ménagées. En détaillant les circonstances dans lesquelles la position actuelle de Magdalène lui avait été révélée, le capitaine Reig, servi par sa dextérité habituelle, avait effleuré la vérité sans la dire. Le fait est qu'enhardi par l'absence de tout scandale public relativement au mariage de Noël Vanstone et à cette mort si prompte qu'il avait apprise par les journaux, le capitaine qui croisait alors dans les districts de l'Est s'était risqué dans Aldborough la quinzaine d'avant pour y établir une agence destinée à propager la vente de sa merveilleuse pilule. Personne ne l'avait reconnue sauf la maîtresse de l'hôtel, qui l'avait tourmentée pour entrer chez elle, voulant lui donner lecture de la lettre de Kirk à son mari. Dès le même soir, le capitaine Reig était à Londres et s'enfermait avec le commandant de la délivrance au second étage de la maison meublée. La gravité de la situation, jointe à la certitude incontestable que jamais Kirk ne retrouverait trace des amis de Magdalène, si d'abord il ne savait au juste qui elle était, avait décidé le capitaine à révéler la vérité, du moins en partie. Refusant d'entrer dans aucun détail, pour des raisons de famille que Magdalène sera libre de lui expliquer après son rétablissement si elle le jugeait convenable, Il étonna Cor qu'en lui apprenant que cette femme dont il était maintenant le protecteur unique, et qui jusqu'alors lui avait été connue sous le nom de Miss Bygrave, n'était autre que la fille cadette d'André Vanstone. Tout naturellement, le vrai nom de Magdalene lui étant révélé, Kirk avait raconté à son tour comment son père s'était trouvé en rapport avec le jeune officier envoyé au Canada. Le capitaine Raig, devant un pareil jeu du hasard, n'avait pu dissimuler sa surprise, mais s'était bien gardé de commenter sur le moment même le récit qui lui était ainsi fait. 15 jours plus tard, en revanche, lorsque le rétablissement de la malade mit le médecin en demeure de préparer ses réponses aux questions que Magdalene allait nécessairement lui adresser, la dextérité du capitaine vint aider, comme d'ordinaire, à tourner cette difficulté vraiment très ardue. « Vous ne pouvez lui dire la vérité, insinua-t-il, sans lui rendre les pénibles souvenirs du temps où elle habitait Aldborough, souvenirs sur lesquels je ne suis pas libre de m'expliquer. N'admettez pas, du moins pour le moment, que lorsque Mr. Kirk l'a trouvée dans cette maison, il ne la connaissait que sous le nom de Miss Bygrave. Dites-lui hardiment qu'il savait qui elle était, et se croyait vis-à-vis d'elle, ce qu'elle comprendra, un droit héréditaire de protection et de secours, comme fils d'un père qui avait rendu aux siens des services si essentiels. Je vous ai déjà dit, continua le capitaine, toujours fidèle à ses anciennes prétentions, que j'étais un parent éloigné des ex-propriétaires de Combraven, et si vous n'avez personne d'autre sous la main qui vous puisse aider à sortir d'embarras, je vous offre mon assistance dont vous pouvez user librement. Personne d'autre, en effet, n'était disponible, et la situation était critique. Les étrangers qui voudraient bien prendre la responsabilité d'éclairer Magdalene pouvaient la tuer, sans le savoir, par quelque maladroite allusion à ses épreuves passées. Ses proches parents, s'ils arrivaient trop tôt auprès d'elle, l'exposaient de même à quelque émotion fatale. Il fallait donc choisir entre la crainte de l'irriter et de l'alarmer en laissant ses questions sans réponse, ou celle que pouvait inspirer l'intervention du capitaine Raig. Dans l'opinion du médecin, le second risque était le moins grave des deux, et c'est ainsi que le capitaine se trouvait maintenant installé au chevet de Magdalene, tout occupé à remplir le mandat qui lui avait été confié. Magdalene poserait-elle la question que le capitaine Raig avait voulu provoquer par le bavardage plus ou moins léger et plus ou moins plaisant dont il s'était servi pour rompre la glace? En effet, dès qu'en se taisant il lui fournit l'occasion de parler, elle lui demanda qui était cet ami dont il parlait et qui, disait-il, habitait Aaron's Buildings. « Vous devriez le connaître autant que je le connais, » répondit le capitaine. « C'est le fils d'un des anciens amis que votre père avait dans l'armée lorsqu'il eut suivi son régiment au Canada. »« Ça, mon enfant, vos joues voudront bien ne pas rougir ainsi. Sans cela, voyez-vous, je décampe. » Le moment d'après, elle lui adressa la deuxième des questions auxquelles il s'était préparé. « Comment s'appelait-il ? » Magdalene était surprise, mais nullement agité. Le capitaine Raig avait commencé par l'occuper d'un passé lointain, connu d'elle uniquement d'après quelques ouï-dire, avant de se risquer sur le terrain, bien autrement périlleux, de ce qui lui était arrivé à lui-même. « Kirk, » répliqua le capitaine, « n'avez-vous jamais entendu parler de son père, le major Kirk, placé à la tête du régiment tandis qu'ils étaient au Canada ? N'avez-vous jamais entendu dire que le major était venu au secours de votre père, dans une occurrence très critique, comme le meilleur des camarades et le meilleur des amis. » Oui, elle se rappelait vaguement d'un récit où il était question de son père ainsi que d'un officier auquel, dans sa jeunesse, il avait été redevable de grands services. Mais sa pensée ne pouvait qu'à grand-peine remonter si loin. Mais ce Kirk était-il pauvre ? La pénétration du capitaine Raig, si subtile qu'elle fût, se trouva prise à court par cette question. À tout hasard, il répondit sans déguisement « Non, Mr. Kirk n'est pas pauvre. » Mais la question qui suivit manifesta tout entière la pensée de Magdalene. Mr. Kirk n'étant pas pauvre, par quel caprice était-il venu habiter une maison pareille ?« Je suis pris, » pensa le capitaine, « et je n'ai qu'une manière de me tirer de là, c'est d'administrer une autre dose de vérité. » « Mr. Kirk, continua-t-il tout haut, vous a rencontré ici par hasard, très malade et fort médiocrement soigné. Il fallait quelqu'un qui veillât sur vous, tandis qu'il vous était encore impossible d'y veiller vous-même. Pourquoi pas Mr. Kirk? Il était le fils du vieil ami de votre père, ce qui revient presque à être lui-même votre vieil ami. Qui donc avait plus que lui le droit de vous procurer et le médecin et la garde-malade qu'il vous fallait, puisque je n'étais pas là, moi, pour vous guérir avec ma pilule merveilleuse? Doucement, doucement. Il ne faut pas vous cramponner avec un pareil sans-gêne à la manche de mon bel habit noir. Il replaça sur le lit la main qu'elle avait posée sur son bras. Mais cela ne pouvait suffire pour la tenir en échec. Elle voulut, à toute force, poser une autre question. Comment l'avait connu Mr. Kirk? Jamais elle ne l'avait vu, jamais elle n'avait entendu parler de lui depuis qu'elle était au monde. « Très vraisemblable, » dit le capitaine Ray. « Mais de ce que vous n'avez jamais vu, il ne s'ensuit pas rigoureusement qu'il soit, par rapport à vous, dans la même position. » « Et quand m'a-t-il vu ?» Le capitaine, sans hésiter un instant, recourut cette fois au mensonge. « Il y a quelque temps, ma chère, je ne saurais préciser l'époque. » Et seulement une fois. Le capitaine Raig vit tout à coup qu'il y avait lieu d'administrer une nouvelle dose de vérité. « Oui, une fois seulement, » répondit-il. Elle réfléchit pendant quelques minutes. La question qui vint après impliquait la conception simultanée de deux idées distinctes. Aussi lui coûta-t-elle quelque effort. « Il ne m'a vu qu'une fois, » reprit-elle, « et cela il y a déjà quelque temps. Comment en est-il venu, me trouvant ici, à me reconnaître ?»« Ah, » dit le capitaine, « vous venez de mettre le doigt sur la chose. Vous ne sauriez être plus étonné que moi de l'excellente mémoire qu'il a ainsi manifestée. Et voulez-vous, ma chère, que je vous dise ? Dès que vous serez assez bien rétabli pour recevoir Mr. Kirk, essayez sur ses oreilles l'effet de cette petite question sournoise, puis vous insisterez pour avoir sa réponse. » Se dérobant au dilemme avec cette adresse tout à fait caractéristique, le capitaine Raig se leva lestement et reprit son chapeau. « Attendez, » lui disait-elle avec insistance, « je voudrais vous demander encore. Pas un mot de plus, » interrompit le capitaine. « Je vous ai donné à penser pour plus d'un jour. Mes heures sont comptées d'ailleurs et mon cabriolet m'attend. Je pars pour exploiter le pays comme à l'ordinaire. Je vais cultiver le champ de l'indigestion publique avec cette charrue à trois socs, où l'aloès fonctionne à côté de la scamonée et la scamonée à côté de la gomme-gutte. » Déjà près de la porte, il fit halte et se retournant, « À propos, j'allais oublier un message de ma pauvre femme. Si vous voulez lui permettre de venir vous revoir, Mrs. Riggs s'engage solennellement à ne plus égarer son soulier. Pour moi, je ne crois pas à cette promesse. Mais qu'en dites-vous ? Consentez-vous à la recevoir ? Certainement, tant qu'elle voudra, dit Magdalene. Si jamais je me rétablis, la pauvre Mrs. Raig ne serait-elle pas libre de venir demeurer avec moi ? Sans nul doute, ma chère, et si vous n'y voyez pas d'objection, je lui remettrai d'avance quelques milliers d'exemplaires de son portrait tiré en rouge, en bleu et en jaune, avec l'inscription que vous savez. Elle les laissera tomber de tous côtés, partout où elle ira. Au point de vue des annonces, le résultat ne saurait être qu'excellent. N'allez pas me croire un homme vénal. J'ai tout simplement l'intelligence du siècle où je vis. Il s'arrêta pour la seconde fois au moment de sortir, et revenant de la porte auprès du lit. « Vous avez été remarquablement sage, dit-il à Magdalene, et vous méritez une récompense. Aussi vous donnerai-je un dernier renseignement avant de partir. » « Avez-vous entendu ces jours-ci quelqu'un qui s'informait de vous à travers la porte ?»« Ah bon, je vois que je ne me trompais pas. »« Eh bien, ma chère, un mot à l'oreille. »« Ce quelqu'un-là est Mr. Kirk. » Cette fois, il s'éloigna tout de bon, d'un pas aussi leste que jamais, et Magdalene l'entendit qui glissait à l'oreille de la garde-malade, avant de refermer la porte, le prospectus du fameux remède. « Si on vous questionnait jamais là-dessus, » lui disait-il sur le ton des confidences les plus intimes. « Retenez bien le nom de Raig, et sachez qu'on obtient la pilule dans des boîtes fort soignées, au prix de 13 pence et un demi-penny, compris le timbre du gouvernement. Je vous remets quelques exemplaires du portrait d'une de nos malades, que vous auriez renversé d'un souffle avant qu'elle usât de la pilule. Or, je vous demande simplement de contempler ici ce qu'elle est devenue. Mille remerciements et bien le bonjour. » La porte se referma et Magdalène se retrouva seule. Mais cet isolement ne lui pesait plus. Le capitaine Raig venait de laisser à ses rêves un aliment nouveau. Pendant plusieurs heures consécutives, elle se préoccupa de Mr. Kirk, jusqu'au moment où, le soir venu, elle entendit de nouveau sa voix à travers la porte entrebâillée. « Je suis bien reconnaissante, » lui dit-elle avant que la garde malade eût pu répondre aux questions qu'il lui adressait. « Bien, bien reconnaissante de toutes vos bontés pour moi. »« Faites en sorte de vous rétablir, » répondit-il affectueusement. « Je serai, si vous allez mieux, plus que payé de mes peines. » Le lendemain matin, Mr. Merrick trouva Magdalène impatiente de quitter son lit et de se faire transporter sur le sofa de la chambre donnant sur la rue. Le médecin attribua cette fantaisie à quelques besoins de changement. « Oui, » répondit-elle, « j'ai besoin de voir Mr. Kirk. » Il fut convenu là-dessus qu'on la transporterait le lendemain. Mais le médecin refusa positivement de permettre qu'on ajoutât à cette translation la fatigue d'une visite quelconque, avant qu'un nouveau délai de 24 heures fût expiré. Magdalène essaya d'une remontrance, mais Mr. Merrick fut inflexible. Elle tâcha, quand il fut parti, de gagner la garde malade à sa cause par les insinuations les plus persuasives. La garde malade fut aussi inflexible que l'avait été Mr. Merrick. Le lendemain, ils l'enveloppèrent dans des châles et la transportèrent ainsi jusqu'au sofa, dont on avait fait pour elle une espèce de couchette. Sur la table voisine étaient disposées quelques fleurs et à côté d'elle, le dernier numéro d'un journal à gravure. Elle demanda aussitôt qui s'était occupé de ces menus soins. La garde malade, sans prendre garde à un regard significatif que lui jetait le médecin, répondit que c'était là des attentions de Mr. Kirk. Il avait présumé, continua-t-elle, que les fleurs lui seraient agréables et que les illustrations du journal pourraient la distraire. Sur cette réponse, le désir que la malade éprouvait de voir Mr. Kirk devint trop vif pour qu'il fût possible de n'en pas tenir compte. Le médecin sortit aussitôt pour l'aller chercher. Magdalène jeta un regard empressé vers la porte qui se rouvrait. Elle n'eut pas plus tôt aperçu le capitaine au moment où il entrait qu'elle se demanda si cette haute taille, cette figure ouverte et hâlée lui apparaissait pour la première fois. Mais sa faiblesse, son agitation, ne lui permettait pas de remonter dans le passé jusqu'aux incidents de son séjour dans Aldborough. Aussi renonça-t-elle à cet effort, se bornant à regarder le nouveau venu. Il s'arrêta au pied du sofa et lui adressa quelques bonnes paroles d'encouragement. Elle lui fit signe de se rapprocher encore et lui tendit une main amaigrie. Il prit tendrement cette main dans la sienne et s'assit à côté de la malade. Tous deux se taisaient. Sur la physionomie du marin se révélait une sympathie douloureuse qu'il eût bien voulu dissimuler à celle qui en était l'objet. Magdalène, elle, tenait la main de son protecteur, et maintenant, de propos délibérés, avec autant de persistance que le jour où il l'avait retrouvée. Après un vain effort qu'elle fit pour lui adresser la parole, ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes et des larmes coulèrent lentement sur ses joues pâles et flétries. Le médecin fit signe à Kirk de suspendre tout propos et d'attendre qu'elle fût remise. Quelque force, en effet, lui revint peu à peu et regardant ce mystérieux bienfaiteur. « Comme vous avez été bon pour moi, » murmura-t-elle, « et combien peu je le méritais. »« Pas un mot là-dessus, » interrompit-il. « Vous ne savez pas tout le bonheur que j'ai trouvé à vous être utile. » Il y avait dans le son de sa voix quelque chose qui semblait la fortifier et lui donner courage. Elle le contemplait avec un intérêt puissant, avec une reconnaissance naïve, étranger aux gènes artificiels qui entravent ordinairement les rapports d'un homme et d'une femme. « Avant de me retrouver ici, » lui dit-elle tout à coup, « où m'aviez-vous vu ?» Kirk hésitait. Mr. Merrick vint à son aide. « Je vous défends de dire à Mr. Kirk qu'un seul mot qui est très au passé, » s'écria le médecin. « Et la même défense s'applique à Mr. Kirk. Vous commencez à dater d'aujourd'hui une vie nouvelle, et je n'autorise d'autres souvenirs que ceux des 5 dernières minutes. » Elle regarda le docteur en souriant. « Laissez-moi lui poser une seule question, » disait-elle, et se retournant du côté de Kirk. Est-il bien vrai qu'avant votre arrivée dans cette maison, vous ne m'aviez vu qu'une seule fois ? Parfaitement vrai. Cette réponse fut accompagnée d'un changement de couleur que Magdalène découvrit à l'instant même. Aussi le regardait-elle avec plus de curiosité que jamais, lorsqu'elle ajouta, malgré sa promesse, une seconde question. « Comment, ne m'ayant vu qu'une fois, vous êtes-vous si bien souvenu de moi ?» La main de Kirk se ferma par un tressaillement involontaire et, pour la première fois, pressa celle de Magdalène. Il voulut répondre et, dès le premier mot, hésita. « J'ai bonne mémoire, » dit-il enfin. Puis tout à coup, il détourna d'elle son regard avec un trouble que le médecin et la garde malade ne purent s'empêcher de remarquer tant il contrastait avec son sang-froid habituel. Les nerfs de Magdalène avaient ressenti la pression momentanée de cette main virile. Avec l'exquise susceptibilité qui accompagne les débuts incertains de la convalescence. Elle voyait Kirk changer de couleur. Elle entendait ses paroles hésitantes avec cette subtilité de perception qu'une jeune femme possède presque toujours et qui lui fait découvrir, deviner pour mieux dire, certaines vérités des mieux cachées. Au moment même où la quittait le regard de son interlocuteur, elle retira doucement la main qu'elle lui avait abandonnée et posant de côté sa tête sur l'oreiller, « Se peut-il » pensait-elle ayant au cœur un frémissement de douces appréhensions, et sur les joues, une rougeur causée par un trouble rempli de charme. « Se peut-il » Le médecin vertit Kirk par un nouveau signe. Celui-ci comprit et se leva sur le champ. Son visage, son attitude, avaient repris leur calme ordinaire. Il se croyait bien sûr d'avoir gardé son secret, et soulagé par cette conviction, il était redevenu lui-même. Adieu jusqu'à demain, dit-il en quittant la chambre. Adieu, répondit-elle doucement et sans le regarder. Mr. Merrick prit le fauteuil abandonné par Kirk et posa sa main sur le pouls de Magdalène. Voilà justement ce que je craignais, remarqua le docteur. Il bat de moitié trop vite. Mais par un mouvement brusque, elle lui retira son poignet. Laissez, disait-elle, se reculant. Ne me touchez pas, je vous prie. Mr. Merrick céda bonnement sa place à la garde malade. « Je reviendrai dans une demi-heure, » dit-il tout bas, « pour vous aider à la remettre dans son lit. Empêchez-la de parler. Montrez-lui les gravures de ce journal et tâchez de la tranquilliser ainsi. » Quand le docteur revint, la garde malade lui apprit qu'elle n'avait pas eu besoin de recourir au journal. Sa cliente s'était montrée exemplaire. Elle n'avait pas manifesté la moindre agitation et n'avait pas prononcé une seule parole. À mesure que les jours s'écoulaient, le médecin permettait à Magdalène de rester plus longtemps hors de sa chambre à coucher. Elle fut bientôt en état de se passer du lit qu'on installait sur le sofa. Puis il devint possible de l'habiller et de la tenir, entourée de coussins, sur un grand fauteuil. Les heures qu'elle passait dans la chambre du devant, heures d'émancipation relative, étaient devenues l'incident principal de son existence quotidienne, et ces heures, elle les passait avec Kirk. Elle prenait maintenant à lui un double intérêt. D'abord, comme à l'homme dont la protection et les soins lui avaient conservé la raison et la vie. Puis, comme à celui dont elle avait surpris le secret le plus intime et le mieux caché. Peu à peu s'établit entre eux cette familiarité facile qui semblait l'apanage exclusif des amitiés de vieille date. Peu à peu, elle revendiqua, l'un après l'autre, tous les privilèges qu'elle se savait et pénétra, sans qu'il s'en doutât, tous les secrets de ce caractère à part. Elle le questionnait sans merci. Avec mille délicatesses et par des transitions insensibles, elle savait tirer de lui tout ce qu'il avait à dire et de lui-même et de l'existence qu'il avait menée jusqu'alors. Si quelqu'un s'ignorait ici-bas, c'était bien Kirk. Mais entre ses mains habiles, il devint, au bout de peu de temps, un égotiste consommé. Magdalène avait découvert à quel point il était fier de son vaisseau, et de cet orgueil naïf elle tirait parti sans le moindre scrupule. Elle l'avait amené à parler des rares qualités de ce navire, des tours de force que ce navire avait accomplis dans certaines circonstances critiques. Comme jamais auparavant, il n'en avait parlé à créature vivante, vivante ailleurs que sur mer. Elle lui arracha le secret de certaines empiétés maritimes, de certains triomphes intérieurs qu'il n'aurait pas osé confesser à son lieutenant lui-même. Elle éprouvait une satisfaction victorieuse quand elle voyait s'enflammer sa physionomie, habile à pourvoir de nouveaux aliments le feu qu'elle attisait ainsi, elle s'amusait à lui faire perdre de vue toute considération de pure étiquette, et se plaisait à le voir, entraîné par sa propre éloquence, frapper sur la petite table boiteuse de la maison meublée des coups aussi vigoureux que si sa main eût dû rencontrer la solide muraille de son vaisseau. La confusion qu'il éprouvait en s'apercevant tout à coup de pareils oublis la comblait d'une joie secrète, et parfois elle eût volontiers pleuré de plaisir lorsque, pénétré de remords, il se demandait à quoi diable il avait pensé. D'autres fois, elle lui faisait perdre de vue les plaisirs de sa profession et l'amenait à parler de ce dur métier, des périls encourus pour l'amour de cette jalouse maîtresse appelée la mère, qui avait absorbé une si forte part de son existence, l'empêchant de pratiquer et de connaître tout ce qui n'était pas elle. À deux reprises, il avait fait naufrage. En maintes et maintes circonstances, il s'était vu menacé de mort, lui et tous ses compagnons, et n'avait échappé que par miracle. C'était toujours à regret qu'il s'engageait dans de tels récits et revenait sur ces lointains désastres. Il fallait le tenter adroitement, semer la conversation de petits pièges pour lui faire raconter les épouvantements du vaste abîme. Quand Magdalène y était parvenue, elle lui prêtait une oreille avide et l'écoutait, pouvant à peine respirer, tandis que ses effrayants récits, rendus plus frappants encore par le simple langage du narrateur, tombaient l'un après l'autre de ses lèvres. Cet héroïsme qui s'ignorait si noblement, la modestie naïve qu'il mettait à raconter ses actes de patience indomptable et de courageuse abnégation, restaient pour lui tout simplement autant de devoirs accomplis, autant de consignes exécutées, l'élevait dans l'estime de Magdalène à de telles hauteurs et le plaçait si fort au-dessus d'elle qu'elle éprouvait une sorte d'impatience et de gêne tant qu'elle n'avait pu renverser l'idole dont elle-même avait dressé le piédestal. C'était en de semblables occasions qu'elle exigeait de lui avec le plus de rigueur toutes ces petites attentions familières auxquelles les femmes attachent tant de prix dans leur rapport avec l'autre sexe. Cette main, se disait-elle, prenant un plaisir exquis à suivre son idée pendant qu'il s'empressait autour d'elle, cette main qui arrachait naguère la mort des êtres engloutis sous les flots, c'est la même qui dispose autour de moi mes oreillers, et si doucement que je sais à peine s'il remue. Cette main qui a saisi des hommes enivrés de révolte et les a courbés de vie fort sous le joug de la discipline, c'est la même qui mélange ma limonade et me prépare une orange avec plus de soin et d'adresse que je ne le ferais moi-même. Oh, si j'étais homme, que je voudrais ressembler à celui-ci. Jamais, en sa présence, elle ne donnait d'essor à des pensées de ce genre. C'était seulement lorsque la nuit les avait séparées qu'elle se hasardait à méditer sur ce dévouement, cette abnégation dont la clémence du ciel avait fait les instruments de son salut. Kirk ne savait guère à quel point elle s'occupait de lui pendant ces heures paisibles qu'elle passait toute seule dans sa chambre avant de se livrer au sommeil. Il ne soupçonnait ni l'influence qu'elle avait acquise sur elle, ni ce souffle nouveau dont il animait cette vie renouvelée, en qui le sentiment de la résurrection semblait développer des facultés jusque-là inconnues. « Elle n'a personne que moi pour la distraire, la pauvre enfant », pensait-il quelquefois avec tristesse, assis tout seul dans sa petite chambre du second. N'importe, si un pauvre diable comme moi peut l'aider à tromper ses ennuis jusqu'à l'arrivée de ses protecteurs naturels. C'est de bien bon cœur que je mets à sa disposition toutes mes chroniques du gaillard d'arrière. Maintenant, chaque fois qu'il demeurait seul, l'abattement, l'inquiétude s'emparaient de lui. Peu à peu, il prit l'habitude de se promener tout seul, à pied, la nuit, pendant de longues heures, alors que Magdalène le croyait endormi à l'étage supérieur. Il lui arriva une fois de sortir le jour à l'improviste et pour affaire à ce qu'il disait. La veille au soir, la conversation établie entre Magdalène et lui avait amené la jeune malade à lui faire connaître son âge. « Elle vient d'avoir 20 ans, pensait-il. De 41, retranché 20. La soustraction est facile, et c'est une de ces opérations comme doit les aimer mon petit-neveu. » Il se rendit au doc, et jetant un regard amer sur les bâtiments pressés dans leur enceinte. « Il ne faut pas, disait-il, que j'oublie comment un navire est fait. Il ne se passera pas longtemps avant que je revienne à mon vieux métier. » En quittant les docks, il alla rendre visite à un de ses confrères de la marine marchande, un chef de famille. Dans le cours de la conversation, il lui arriva de demander à son ami quelle différence d'âge existait entre lui et sa femme. Le mari n'avait que 6 ans de plus. « Je présume que cela suffit, » dit Kirk. « Oui, » répondit son ami, « c'est tout ce qu'il faut. Est-ce que vous penseriez enfin prendre femme ?»« Choisissez la faite et parfaite dans les 34 à 35 ans. » « Si je sais calculer Kirk, c'est là le chiffre qui vous convient. » Le temps s'écoulait, doux et rapide, ce temps où elle se rétablissait si bien, ce temps dont il commençait à se méfier déjà. Mr. Merrick surprit un jour le capitaine Kirk en venant le relancer de fort bonne heure dans sa petite chambre au second étage. « Je suis arrivé hier à cette conclusion, » dit le docteur, entrant brusquement en matière, « que notre malade était assez forte pour que nous puissions, sans trop risquer, entrer en communication avec ses amis. En conséquence, j'ai suivi le fil conducteur que cet original, le capitaine Raig, mit naguère dans nos mains. Il nous avait conseillé, vous le rappelez, de nous adresser à un Mr. Pendrill, avocat. J'ai vu Mr. Pendrill il y a 2 jours, et il m'a renvoyé, sans trop de bon vouloir, j'ai lieu de le penser, à une vieille demoiselle nommée Miss Garth. Les renseignements que j'ai obtenus d'elle m'ont prouvé que nous avions agi très sagement en suivant la marche que nous nous sommes tracés. C'est une histoire profondément triste, et je puis dire, quant à moi, que j'admets en faveur de notre pauvre malade une foule de circonstances atténuantes. L'unique parente qu'elle ait au monde est sa sœur aînée. J'ai conseillé que cette sœur commençât par lui écrire, et ensuite, si la lettre n'avait pas fait de mal, qu'elle se présenta en personne d'ici à 2 jours. Je n'ai pas voulu donner d'adresse, afin de nous prévenir contre toute visite qu'on ferait ici sans ma permission. Je me suis seulement chargé de faire parvenir la lettre. Et à mon retour chez moi, je vais fort probablement l'y trouver. Pouvez-vous l'attendre ici? Je vais l'envoyer par mon domestique. Quant à la porter moi-même, c'est tout à fait impossible. Vous vous bornerez à guetter un moment où notre malade ne soit pas dans la chambre du devant, et à y déposer la lettre, assez en évidence pour qu'elle ne puisse manquer de l'apercevoir à sa rentrée. Avant qu'elle ait rompu le cachet, l'écriture de l'adresse lui aura tout révélé. Ne lui en ouvrez pas la bouche. Prenez soin que la maîtresse du logis soit à portée de voix et laissez notre malade à elle-même. Je sais que je puis me fier à vous pour suivre mes instructions de point en point. C'est pourquoi je vous demande de nous rendre ce service. Mais qu'avez-vous donc ? Vous semblez un peu abattu ce matin. Rien de plus naturel après tout. Vous êtes habitué, capitaine, aux brises marines, et vous commencez à dépérir dans cette atmosphère close. Puis-je, docteur, vous faire une question? Dans cette atmosphère close, ne dépérit-elle pas, elle aussi? Et quand sa sœur viendra, sa sœur ne va-t-elle pas l'emmener? Bien certainement. Du moins, si on me demande conseil. D'ici à 8 jours, peut-être plus tôt, on pourra la transporter. Bien le bonjour. Vous êtes certainement très abattu et votre main annonce la fièvre. Vous avez besoin d'eau salée, capitaine. C'est faute d'eau salée que vous languissez ainsi. Et quand il eut exprimé cette opinion judicieuse, le médecin s'en alla gaiement. 1 heure après, la lettre arriva. Kirk, sans y jeter les yeux, la prit comme à regret des mains de l'hôtesse, avec une sorte de brusquerie. S'étant assuré que Magdalene était encore à sa toilette, et après avoir expliqué à la maîtresse du logis qu'elle devait se tenir prête à répondre au premier appel, il descendit aussitôt et alla poser la lettre sur la table de la chambre où la malade et lui avaient l'habitude de se réunir. Magdalene entendit sur le palier le bruit de ce pas qu'elle connaissait si bien. Je serai bientôt prête, lui cria-t-elle à travers la porte. Sans rien répondre, il prit son chapeau et sortit. Après un moment d'hésitation, il tourna du côté de l'est et alla voir dans les bureaux de Cornhill les armateurs qui l'employaient ordinairement.